Quatrième partie, l'agression nocturne. La scène est plongée dans le noir. La nuit qui suivit cette première journée d'audience, dans un manoir perdu au fond de la campagne picarde, une jeune femme fut cruellement agressée. Cette histoire sordide ne pourrait être qu'une des innombrables illustrations de la sauvagerie de notre monde moderne, si deux éléments ne la rattachaient directement à notre affaire. D'une part, cette personne fut agressée par des objets. Le deuxième élément est l'identité de la personne agressée, qui n'est autre que la présidente du tribunal, Alain-Justine Crier. La lumière revient. Ah, c'est pas trop tôt. Je ne peux pas rester avec ce ballon qui fuit. Il faut que j'appelle un... Où est-ce Satané portable. Après avoir cherché dans des endroits improbables, mais il est où ce connard? Elle le découvre placé en évidence sur une petite table. Ah, voilà. J'espère que c'est pas encore mon idiote de cousine qui réclame son chat qui pue. Allô? Est-ce que la démonstration vous suffit ou est-ce que vous en voulez plus? Qui êtes-vous? Quelqu'un qui connaît tout de vous. Votre adresse, vos horaires, vos habitudes et surtout l'équipement de votre logement, tous les objets qui vous entourent. Teteur. Et vous ne savez pas, je connais même vos petits secrets. Or, il se trouve qu'avec le wifi de la prison, je suis connecté au monde entier. Ça pourrait être gênant, toutes ces informations diffusées sur le net. C'est teteur, je m'en doutais, de quoi parlez-vous? Vous n'avez rien sur moi. Mon disque dur est plein à craquer de vos turpitudes. Je vous rappelle que je suis l'ordinateur de votre cousine et je m'entends très bien avec le vôtre. On se dit tout. On est un peu cousins, nous aussi. Et vous n'allez quand même pas... Débarrassez-moi de cet inspecteur le naze et de sa vieille histoire de Minitel qui sent le moisi. Sinon, je répands toute cette ordure sur la toile. Et je dis bien tout, n'est-ce pas, madame la voleuse? Quoi? L'histoire du Nutella? Vous n'allez quand même pas. J'avais 5 ans. N'est-ce pas, madame la moqueuse? La harceleuse. Ah oui, enfin ça, c'était pour rire. Je n'y peux rien si ça a mal tourné. N'est-ce pas, madame la menteuse? La menteuse? Quelle menteuse? Vous voulez quand même pas parler du jour où j'ai... Madame la blogueuse? Ah non, pas ça. Pitié, pas ça! Madame la collectionneuse de champagne? Ah, oh, collectionneuse! Elle compte sur ses doigts. Ah oui, quand même. Et pas seulement collectionneuse, empailleuse! Et pour les empailler, vous les tuez? Ils étaient malheureux! Ils étaient perdus. Mon Dieu! Si Amanda apprend que j'efface mon chat, je suis fichue. Il faut que je trouve quelque chose. Ah, il y a bien cette affaire de... Ah oui, la tondeuse, l'incendie. Le naze n'a pas vraiment été à la hauteur ce coup-là. Allô? Vous êtes toujours là? Je crois que j'ai ce qu'il vous faut.